Le Salon Noir. Avec ses 1200 âmes perchées aux portes du parc naturel de l'Ariège, sa place, son petit musée, le Mas d'Asile est un de ces villages où il fait assurément bon vivre. Le Mas d'Asile, c'est aussi une gigantesque grotte dans laquelle passe une rivière de montagne, la Rize, mais aussi une départementale. C'est surtout une grotte mondialement connue, fouillée et refouillée par des générations de préhistoriens, au point que tout un chacun pensait que plus aucun vestige ne pouvait y être découvert. C'est sans compter sur les ressources cavernicoles du lieu. Une équipe de préhistoriens vient en effet de découvrir la présence des tout premiers hommes modernes il y a 35 000 ans. Ils faisaient déjà bon vivre au Mas d'Asile. Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie qui se dérouleront ce week-end, j'ai plongé dans la grotte afin d'y retrouver François Bon de l'Université de Toulouse, Yannick Le Guillou du ministère de la Culture, Laurent Bruxelles et Marc Jarry de l'INRAP qui œuvrent actuellement au cœur de la caverne. En ce qui concerne la formation de la grotte, ce qui est intéressant, c'est qu'on se situe dans un petit massif de calcaire qui est situé entre les pieds des Pyrénées et la zone des plaines. Et les cours d'eau ont dû traverser ces massifs calcaires. Et la particularité de cette roche, c'est qu'elle est soluble dans l'eau, un peu comme le sucre ou le sel, mais bien sûr à bien moins grande vitesse. Et donc elle a creusé des tuyaux, elle a creusé des tubes. Et ça, c'est intéressant parce que ces tubes nous permettent peu à peu de reconstituer l'ancien tracé, l'ancien trajet de la rivière. Donc dans la grotte du Mas d'Asile, eh bien, on avait ce massif calcaire qui était justement sur le chemin de la Rize, cette rivière qui descendait des Pyrénées et qui en fait a trouvé un passage souterrain et a peu à peu élargi et a creusé sa grande galerie, plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Le problème, c'est qu'on est au pied des Pyrénées et que au cours des variations climatiques quaternaires, eh bien, la rivière elle avait plus ou moins d'alluvions, plus ou moins de sédiments à transporter. Alors il y a des moments où elle peut transporter tout ça, les évacuer. Et puis pendant les phases glaciaires, lorsqu'il y a énormément d'éboulis, énormément de cailloux qui descendent, elles sont surchargées en alluvions. Et peu à peu, la rivière va se surélever elle-même sur ses propres alluvions. C'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de les évacuer. Et donc elle a peu à peu bouché elle-même son propre tuyau. Et ce qui est intéressant dans le Mas d'Asile, c'est que la rivière, du coup, elle a dû creuser d'autres galeries. Et le réseau, la topographie de la grotte, nous montre toute une section de boucles qui sont des cours d'eau successifs qui a dû emprunter la rivière au fur et à mesure qu'elle se remplissait. Et ça, on va le voir dans la grotte. On va voir toutes ces traces de bouchons, de colmatage complètement du tuyau principal. Et puis, lorsque les climats s'améliorent un petit peu, cette fois-ci, la rivière retrouve toute son énergie, toute son agressivité, et elle redébouche la grotte. Et ça, c'est intéressant, puisqu'une fois qu'elle est débouchée, eh bien, les premiers hommes vont arriver dans la grotte, les Aurignaciens vont arriver pour la première fois et vont pouvoir accéder à la galerie et y habiter. Et puis ensuite, eh bien, on a une nouvelle péjoration climatique, une nouvelle phase froide du quaternaire. Et à nouveau, la grotte va enregistrer de nouveau cette sédimentation, ce colmatage partiel. Et donc la grotte va de nouveau se fermer. Donc plus personne n'a accès à la grotte. Les dépôts aurignaciens sont piégés sous ces sédiments jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière phase de réchauffement climatique, qui est l'Holocène, les 10 derniers milliers d'années, où là, cette fois-ci, à nouveau, la rivière va pouvoir recreuser tout ça. Eh bien, il y a 15 000 ans, profitant de ce recreusement, les Magdaléniens vont entrer dans la grotte et on va avoir une seconde phase d'occupation de la cavité. Donc on a un lien parfait entre la grotte, l'histoire de la Rize qui est liée aux variations climatiques et les hommes qui viennent habiter dans la grotte à chaque fois que c'était possible. Yannick Le Guillou, cette fameuse grotte du Mas d'Asile, elle aura été peinte ? La grotte a été peinte sur les parois, elle a été gravée sur les parois, mais ce ne sont pas de la gravure et des peintures monumentales. Toutes les œuvres sont regroupées dans toute une série de toutes petites galeries, de tout petits boyaux d'accès très difficile où il faut circuler en rampant. Et ces 7 ou 8 petites galeries ornées sont décorées d'œuvres parfois particulièrement originales, comme un masque anthropomorphe dans une des galeries, comme un triangle pubien avec une flèche dirigée à cœur du triangle pubien. Tout ça est daté du Magdalénien. Et puis, bien sûr, des représentations plus classiques, des représentations réalistes, comme des bisons, là aussi marqués de flèches. Et puis, quelques dessins, un renne ou deux, un ou deux bovidés, des représentations de poissons, etc. Ce serait l'abbé Breuil qui aurait trouvé tout ça ? La première des galeries ornées trouvées, c'est ce que l'abbé Breuil appelait la galerie du four, qu'on a appelé ensuite la galerie du renne, est un tout petit boyau des parties hautes de la grotte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc au Mas d'Asile les premières gravures pariétales, c'est-à-dire c'est la première grotte ornée qui a été trouvée dans le département de l'Ariège. C'était en 1902. Et c'est aussi dans cette galerie que l'abbé Breuil a fait les premiers relevés préhistorique de sa carrière de préhistorien qui ensuite est devenu célèbre. Pourquoi ces peintures sont-elles si peu connues ? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que l'accès au public est absolument impossible dans ces galeries où il faut circuler à plat ventre parfois, en rampant dans la boue, en rampant dans des flaques d'eau, en rampant parfois dans 5 ou 10 cm d'épaisseur de poussière. Donc l'impossibilité d'amener directement le public sur les peintures est une des raisons de la petite célébrité, la faible célébrité de cette grotte. Mais les raisons de cette faiblesse de la célébrité, il y en a certainement d'autres, en particulier le fait que l'art des parois de la grotte du Mas d'Asile a été totalement supplanté par l'extraordinaire collection d'art mobilier, c'est-à-dire d'objets qui ont été trouvés à la fois par Édouard Piette essentiellement, mais aussi par Saint-Just Pécard, et qui sont exposés dans des musées comme le musée des Antiquités Nationales ou le musée du Mas d'Asile. Alors au Mas d'Asile, on a cet outil extraordinaire, ce propulseur absolument fabuleux qui donc lançait des sagaies mais qui est décoré et décoré comme nul autre ne l'est. Alors ce propulseur est taillé dans du bois de renne et il a une 30 cm de long. C'est un petit objet très sophistiqué qui permettait de lancer les sagaies beaucoup plus loin. Et ce propulseur est entièrement orné avec à son extrémité le dessin d'un faon. Et ce faon à la queue le relevé, de son anus sort une sorte d'objet de quelques centimètres de longueur. Et sur cet objet sont perchés deux petits oiseaux qui sont en train de picorer ce qui sort donc des fesses du faon. C'est une œuvre très originale, très certainement porteuse d'une grande signification, d'une valeur symbolique quand même importante, liée à la culture sûrement et liée à coup sûr à la mythologie aussi de ces populations préhistoriques. Alors on a parlé de l'abbé Breuil, on a parlé de Tartaillac, il nous faut parler d'un archéologue qui vous tient tout à fait à cœur. Joseph Mandement, un nom totalement méconnu. Alors je ne sais pas si je l'appellerais archéologue ou préhistorien. Joseph Mandement était un homme très original, très dynamique, assez exceptionnel, qui a marqué un petit peu l'histoire de son temps dans divers domaines. Le premier, c'est bien sûr dans la grotte du Mas d'Asile, où il a réalisé énormément de tranchées. Il était à la recherche d'une sépulture des hommes de la préhistoire. Cette sépulture, il ne l'a jamais trouvée, bien évidemment. Et on ne le trouve jamais. Jusqu'à présent, on ne l'a jamais trouvée, puisque ces grandes sépultures des hommes du Paléolithique, on ne les connaît pas. Mais il était convaincu, il a creusé et il a dépensé tout l'argent qu'il avait à embaucher des ouvriers pendant une dizaine d'années à faire des tranchées un peu partout dans la grotte. Et à l'occasion de ces tranchées, il a trouvé beaucoup de choses. Il a trouvé des galeries ornées, il a trouvé énormément d'ossements, intéressant l'archéologie, intéressant la paléontologie. Donc ça, c'est un aspect. C'est un aspect sur le tard de sa vie. Parce que avant cela, avant la guerre de 14 surtout, Joseph Mandement s'était passionné pour le cinéma. Pour le cinéma muet, pour le cinéma documentaire. Et ça, donc, au tout début de l'histoire du cinéma. Il a réalisé un film qui s'appelait « Nanouk, l'homme des temps préhistoriques », qu'il a réalisé avant la guerre de 14, qu'il a réalisé dans le Grand Nord, qu'il a réalisé donc près de 15 ans avant que ne sorte le célèbre film documentaire « Nanouk, l'Eskimo ». De Flaherty. De Flaherty, absolument. Et il a aussi, en 1918, pris la décision de réaliser un film documentaire dans les grottes préhistoriques. Il nous a donc légué toute une série d'images, et il y a près de 2 heures d'images en tout, non montées, parfois malheureusement en très mauvais état, mais des images, on a des vues d'avant 1918 des grottes préhistoriques, mais on a surtout des images animées des plus grands préhistoriens de l'époque, Émile Cartaillac, Louis Capitan, Denis Peyronie, Henri Breuil, Henri Bégoin, etc. François Bon, tout le monde est passé au Mas des Iles ? Beaucoup de préhistoriens sont effectivement passés ici. Et c'est vrai que dans notre recherche actuelle, un des volets à la fois passionnant et excitant, c'est d'essayer de reconstituer les grandes étapes qu'a connues en termes de recherche cette cavité. Et on se retrouve à ce moment-là à suivre pas à pas quelques-uns des préhistoriens parmi les plus célèbres ou au contraire des préhistoriens nettement moins connus, mais en tout cas à suivre les grandes étapes d'évolution de notre discipline. Le premier, bien sûr, l'abbé Puech. Voilà, là c'est typiquement peu connu, mais qui appartient tout à fait à cette génération de pionniers des années 1840-1870. Et il nous livre effectivement les observations, les questionnements, les doutes d'un abbé d'abord. D'abord géologue, puis progressivement paléontologue, puis progressivement préhistorien, mais si le mot n'existe pas encore, et qui ici découvre les traces d'hommes préhistoriques qui ne cessent évidemment de le questionner sur leur signification. Ça, c'est vraiment la première étape, et on a la chance avec l'abbé Puech d'avoir une conservation absolument remarquable des archives. Il nous a livré une bonne dizaine de carnets riches de notes, de croquis, riches de dessins, et on a même pu, ce qui est assez exceptionnel, retrouver ses collections bien inventoriées, bien datées, qui correspondent bien à ces descriptions de carnets, et qui nous ont permis, à travers les carnets et ses collections, de localiser l'endroit de sa fouille. Et actuellement, on est en train de retrouver les contours de son excavation, ce qui nous permet, là, pour une fouille quand même très précoce, là, on est en 1866, pour être précis, dans ce secteur, d'avoir une documentation exceptionnelle entre les collections, les carnets et l'emprise même de sa fouille. Alors 1840, 1860, on va dire que l'homme préhistorique n'est quasi pas encore identifié en Europe. Là, on est vraiment dans la phase de reconnaissance. Il y a eu toute une génération de pionniers des années entre 1800-1810, on va dire, et 1850. Certaines figures sont plus connues que d'autres. Évidemment, Boucher de Perthes en fait partie, qui produira vraiment les premiers textes fondateurs, on peut dire, de cette science en devenir. Mais on est vraiment face aux pionniers, face à des gens donc, qui sont en train de découvrir ce continent temporel qu'est la préhistoire et qui s'en étonnent le plus souvent, c'est le cas de Puech ou d'autres. Et on est vraiment face aux toutes premières phases de la découverte de cette science qui va être officialisée au début des années 1860 et notamment à travers l'action dans le sud de la France d'Édouard Larté, qui fut d'ailleurs en relation avec l'abbé Puech. On a la correspondance Larté-Puech, qui est un moment très intéressant d'influence intellectuelle, mais aussi de distance, parce que Larté va beaucoup plus loin dans sa prise de conscience de la préhistoire que Puech, qui reste toujours un peu timide face à la profondeur des temps que cela suppose. Alors qu'est-ce qu'un archéologue ou un préhistorien, même si le mot n'existe pas encore à l'époque, cherche dans cette grotte ? Première étape, c'est la démonstration de l'existence d'un homme antéhistorique. Et c'est effectivement une étape franchie grosso modo dans les années 1860. Ensuite, ça a été, grâce à des cavités comme celle-ci qui ont effectivement des remplissages très puissants, d'essayer d'obtenir des séquences chronologiques, c'est-à-dire de commencer à planter des jalons, des banderilles, on va dire, dans ce continent temporel pour essayer d'en voir les limites, les frontières entre différentes époques. Et en l'occurrence, le Mas des Iles, lui, va jouer un rôle crucial. C'est que dans les années 1860, on conçoit qu'il y a deux grandes phases, qu'on appelle le paléolithique et le néolithique, pierre ancienne, pierre nouvelle, chasseur-cueilleur nomade d'un côté, agriculteur, pasteur, sédentaire de l'autre. Mais pendant 20 ans à peu près, il y a une discussion qui fait rage d'ailleurs sur la césure apparente entre ces deux époques et le hiatus qui semble les séparer. Certains préhistoriens proposent que l'Europe ait été entièrement vidée de toute sa population ancienne et autochtone avant que de nouvelles populations n'y parviennent, d'autres au contraire postulent davantage d'autochtonie. Et derrière ces discussions-là, on voit d'ailleurs se dessiner des aspects assez idéologiques, assez forts du point de vue de ce que c'est qu'un peuplement européen primitif. Et en l'occurrence, c'est à quelques dizaines de mètres de là où nous nous trouvons actuellement, sur la rive gauche du Mas des Iles, que vers 1888-89, Édouard Piette, qui est un des grands préhistoriens de l'époque, démontre la présence de couches stratigraphiques intermédiaires entre le paléolithique et le néolithique, et en l'occurrence qu'il va baptiser l'Asilien, et qui forme vraiment la couture chronologique entre cette préhistoire ancienne et cette préhistoire qu'on appellera plus tard récente, autrement dit en montrant certaines formes de continuité de peuplement. Ça n'annihile pas du tout le fait qu'il ait pu y avoir des mouvements de population d'émigration, mais en tout cas, ça a montré qu'il n'y a pas eu de moment d'épisode totalement vide dans le peuplement européen de l'époque. On peut dire que le Mas des Iles s'inscrit pleinement dans les théories et les différentes théories sur un siècle de préhistoire ? Ah oui, sans aucun doute. On peut dire qu'il a joué un rôle majeur fin 19e, pendant le XXe siècle, il a continué à jouer son rôle. Il a joué son rôle au début du XXe siècle avec la découverte de l'art préhistorique dans le sud de la France. Et le Mazasile a fait partie des tout premiers sites où ont été découverts des gravures. Et ensuite, il a continué à jouer son rôle dans les années 30 lorsque d'autres fouilleurs, tels les Pécards, sont venus fouiller ici en ajoutant de nouveau à ce site quelques lettres de noblesse en termes de découverte, notamment pour le Magdalénien. Il va continuer à être aussi important dans la seconde moitié du XXe siècle, même si là, les interventions qui ont lieu, et il y en a, notamment celle de M. Alterac, donneront lieu à moins de publications et donneront moins de renommée à ce site. Donc c'est vrai que quand nous, on a repris ce site il y a quelques années, cette grotte était un peu une vieille dame, un peu endormie, très riche d'un passé prestigieux, mais qu'il s'agissait de réveiller. Et une des façons de la réveiller, c'est effectivement d'aller plonger dans les entrailles de ses archives pour montrer à quel point elle avait eu un rôle important dans l'histoire de notre discipline. Alors votre programme touche plusieurs disciplines. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Alors, c'est un programme qui d'abord a pour but, à la fin, de livrer à nos collègues, à la science, un état documentaire de la grotte du Mazasile. Les orientations, outre le volet historique, qui nous permet effectivement de remettre aussi en situation notre propre regard à travers l'analyse du regard de nos prédécesseurs. C'est un aspect. Mais le volet principal, c'est vrai, c'est le volet qu'on va appeler géo-archéologique, c'est-à-dire d'essayer à travers cette grotte de comprendre dans les rythmes qu'elle a connus en termes sédimentaires, c'est-à-dire les moments où la rivière a apporté des matériaux, les a accumulés ici, jusqu'à parfois se boucher elle-même. Au contraire des moments où cette rivière a vidangé cette grotte, on peut arriver à reconstituer des cycles climatiques pour montrer comment est-ce que cette rivière connectée aux Pyrénées, donc connectée au bassin glaciaire des Pyrénées, a enregistré les évolutions justement des cycles glaciaires. Et en fonction de ça, comment cette grotte a pu servir ou non, selon les époques, de lieu de vie pour les populations préhistoriques. Et notamment, nous, on documente deux moments clés du paléolithique supérieur récent. Le début avec l'Aurignacien, qui correspond à l'arrivée des premiers hommes modernes en Europe, et la fin avec le Magdalénien puis l'Aasilien, autrement dit les cultures qui clôt le paléolithique supérieur. C'est les deux épisodes d'occupation les plus importants qu'on puisse enregistrer au Mazasile. L'Aasilien, c'est bien sûr un terme scientifique qui désigne une culture dont le site éponyme est le Mazasile. Visiblement, peu de gens aujourd'hui travaillent sur ce sujet. J'en entends très peu parler. Ouais. Pourtant, il y a des très bons spécialistes du sujet, c'est pas mon cas, hein, mais il y a vraiment des très bons spécialistes de l'Aasilien qui ont consacré leur vie, qui ont perdu quelques dioptries à leurs yeux à force de regarder ces petits microlithes de l'Aasilien, les petites pointes aasiliennes, les grattoirs anguilliformes. Non, il y a une recherche relativement dynamique sur l'Aasilien. Au contraire, l'Aasilien est un moment intéressant parce que, en gros, si on fait très simple, on va dire que au paléolithique, selon les périodes, paléolithique supérieur, selon les périodes, l'Europe a été plus ou moins cloisonnée culturellement. L'Aurignacien correspond à un moment donné où on a au contraire de très grands réseaux à échelle européenne qui nous montrent des connexions directes ou indirectes sur des très grands espaces. En l'occurrence, ce qu'on appelle l'Aurignacien, on le retrouve depuis l'Iran jusqu'à la Bretagne, depuis la Sicile jusqu'au sud de l'Angleterre. Donc c'est vraiment une tradition culturelle à échelle plus au-delà même des frontières de l'Europe. Ensuite, en revanche, plus on avance dans le paléolithique supérieur et plus des phénomènes de régionalisation à échelle européenne vont s'opérer. Et à la toute fin du paléolithique supérieur, au contraire, les frontières explosent, notamment sous le courant de ce qu'on appelle l'aasilianisation, qui va de nouveau mettre en connexion des espaces qui avaient été davantage séparés auparavant. On pense que cet aasilien est notamment un phénomène qui part plutôt de la zone méditerranéenne, qui d'ailleurs peut-être a des choses aussi à voir avec ce qui se passe au même moment en Afrique du Nord, et qui va progressivement couvrir l'essentiel de l'Europe. Donc au contraire, c'est un moment très important, l'aasilien, du point de vue des dynamiques de peuplement, et on espère, nous, à travers nos recherches, leur apporter davantage de matériaux pour la recherche future. Et puis c'est un art très particulier. C'est un moment de mutation technique important. On pense notamment au développement de l'arc, même si on sait qu'il est connu auparavant, etc. Derrière ces mutations techniques, il y a certainement des mutations sociologiques importantes, parce que ces changements tels qu'on les observe dans les armements, dans les territorialités, etc., doivent dire des choses aussi du point de vue des changements sociaux. Mais par ailleurs, et ça rentre en écho avec un autre phénomène vraiment passionnant et crucial, il y a certainement des changements idéologiques importants. Et il est vrai que dans l'Aasilien, tout du moins dans l'Aasilien qu'on appelle récent tel qu'il s'exprime au Mazasile, on a effectivement une disparition de la figure au profit de motifs géométriques, et notamment de ces fameux galets peints aasiliens, dont le Mazasile a livré d'ailleurs des centaines d'exemplaires. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Laurent Boxall, nous voici dans une sorte de boyau au cœur de la grotte. Oui, on est dans la galerie des Silex, la célèbre galerie des Silex, qui a été vidée par les Pécards et qui a livré justement des niveaux d'occupation du matériel qui avait même été déposé localement dans des petites fissures du calcaire. Donc un haut lieu aussi du Mazasile. La grotte fait une sorte de siphon. Effectivement, c'est un boyau par rapport à l'échelle de la grotte elle-même, parce que les galeries sont grandes, mais il faut imaginer ici qu'elle fait quand même 4 à 5 mètres de diamètre, donc c'est un grand boyau. Et c'est un court-circuit. Ça fait partie de ces galeries qui ont été creusées lorsque la galerie principale s'est bouchée et que la rivière a dû trouver d'autres passages. Et donc, elle a fait des espèces de boucles. Voilà, des courts-circuits, plusieurs, qui se succèdent les uns les autres. Et la galerie des Silex en est un. Vous arrivez à la dater géologiquement ? Pas encore, c'est toujours difficile de dater un trou, un creusement, évidemment. On ne date que les remplissages, donc ce que la rivière a laissé. Mais on n'est pas toujours sûr que ce que la rivière a laissé, en tout cas ce qu'on voit, correspond vraiment à la phase de creusement initiale. Mais grosso modo, de toute façon, on est dans une histoire qui est dans le quaternaire. Donc c'est une galerie qui a moins de 2 millions d'années. Voilà. Mais ça laisse large le champ des possibles. Ce qui est étonnant dans cette grotte, bon, il faut bien dire que la route passe dans la grotte. C'est une sorte d'énorme grotte tunnel. Mais c'est le bruit de l'eau. Oui, c'est le bruit de l'eau, et encore en ce moment, les eaux sont relativement basses. Lorsqu'on est à la fonte des neiges ou à l'automne, c'est un vrai, véritable fracas. Des fois, on a du mal à s'entendre. Et oui, il y a une ambiance, effectivement. Il y a une route qu'on entend aussi, qu'on entend moins, une rivière, et donc toute une ambiance et des résonances qui tranchent très nettement dès que l'on passe dans des salles annexes qui sont coupées du son. Et d'un coup, on arrive dans une ambiance chaude, humide et surtout sans bruit. Le sol que l'on voit, c'est, j'imagine, de la calcite. C'est le passage de l'eau qui a formé tout ça ? Alors, il y a des endroits, effectivement, où on a la calcite au sol. Ici, dans cette galerie, on a carrément le tube calcaire quasiment en lui-même. C'est-à-dire que le sol, la voûte et le plafond sont du calcaire. Donc, on est dans le calcaire creusé, on est dans le boyau, avec des sédiments fins qui s'étaient accumulés sur la moitié de la galerie et qui ont été ensuite évacués par les pécards lorsqu'ils ont fouillé. Donc, il faut imaginer qu'elle était, à l'époque, ça devait ressembler à un demi-cercle, avec un sol relativement plat, et maintenant on a un tube. Tout a été vidé, il ne reste plus rien ? Pas tout, mais 99% a été vidé. Il reste quelques petits plaquages, quelques petits recoins qui sont pour nous très très importants, puisque du coup ce sont les derniers témoins des couches successives, donc des stratigraphies, et ce sont avec ces témoins qu'on est en train peu à peu de remettre en place l'histoire de la grotte. Alors justement, en tant que géomorphologue, vous retracez au travers des sédiments l'histoire du climat et par la même occasion les occupations ou la non-occupation humaine dans la grotte ? Oui, ce qui est intéressant dans cette grotte, c'est que déjà sa formation et son évolution est directement liée aux variations climatiques. Voilà, on est au pied des Pyrénées, toutes les phases froides du quaternaire et les phases de réchauffement sont imprimées dans la grotte. Elles ont laissé des traces sédimentaires et c'est assez intéressant puisque c'est un des rares endroit au monde où j'ai pu voir ça, ça a aussi conditionné l'accès à la cavité par les hommes. C'est-à-dire que lorsque la grotte était bouchée par les sédiments, on était en général en phase froide, eh bien les hommes ne pouvaient pas rentrer dans la grotte, elle était complètement préservée. Mais par contre, à chaque fois que la Rize a recreusé sa vallée et à chaque fois qu'elle a recreusé du coup la grotte, eh bien les hommes en ont profité et sont rentrés et ont occupé ce site qui devait être emblématique et bien visible dans le paysage. Mais ils ont profité dès les premières ouvertures de pouvoir y accéder. La première occupation, donc, l'Orignacien, l'arrivée de l'homme moderne ? Oui, l'arrivée de l'homme moderne, la première connue. Hein, il y a peut-être plus ancien à trouver, puisqu'on a des sédiments, on le sait, qui sont plus anciens dans la cavité. Donc il y a peut-être des choses encore plus anciennes dans d'autres galeries qu'on n'a pas vues ou qui ne sont pas accessibles. Mais la première, effectivement, c'est l'Orignacien qui vient dans la grotte. Et chose intéressante, qui n'est pas du tout courante, c'est qu'ils viennent loin dans la grotte. Alors on est au-delà de la zone de pénombre, ils sont dans l'obscurité. Et ça, c'est un fait tout à fait exceptionnel. On est vers quelle époque ? 35 000 ans à peu près ? Oui, on est à 35 000, 32 000 ans. Et donc on a les Orignaciens qui viennent pendant, on ne sait pas le laps de temps, ça ce sera, mais ça a l'air de couvrir une période de temps de plusieurs milliers d'années. Marc Jarry, vous avez trouvé donc de l'Orignacien, l'arrivée de l'homme moderne dans la grotte du Madasil ? Et ça, c'est un véritable scoop. Oui, l'équipe qui travaille actuellement sur la grotte du Madasil et depuis 2-3 ans a mis au jour une occupation inédite. Pas totalement parce qu'on avait des petits indices, voilà. Mais là, on a mis au jour une occupation large dans le temps, puisqu'on a à la fois de l'Orignacien ancien et du récent. Puis intéressante, large spatialement, parce que c'est beaucoup plus qu'un simple petit vestige et lambeau de sol. C'est quelque chose qui, certes, n'est pas structuré. On fait des poubelles, pour résumer, mais on a de belles poubelles, puisque ce sont les premières poubelles en grotte profonde qu'on trouve dans la région. Donc, ce site n'est pas complètement un site martyr. Non, alors c'est vrai qu'il est quand même assez martyr. Hein. 150 ans de travaux routiers, d'aménagement un petit peu sauvage à certaines époques, de fouilleurs avec d'autres méthodes, d'autres temps. On ne peut pas juger, c'est comme ça. Ce site a beaucoup souffert. Il a même été considéré comme stérile. Et on revient avec de nouvelles méthodes. Et puis on met au jour des choses qui étaient même pas identifiables à certaines époques. Et on peut effectivement aller plus loin maintenant. Comment l'avez-vous trouvé ? À quelle occasion l'avez-vous trouvé ? Alors cette occupation aurignacienne a été révélée en fait par tous les travaux d'aménagement autour des nouveaux circuits de visite touristiques de la grotte. Alors bien sûr, en préalable de ces travaux d'aménagement, le ministère de la Culture a prescrit un diagnostic archéologique, c'est-à-dire pour voir s'il n'y avait pas de risque archéologique lié à ces travaux. Et au niveau du bâtiment d'accueil, on a pu, en nettoyant les surfaces, en regardant bien, en inspectant chaque recoin, mettre au jour ces niveaux aurignaciens. Cette petite fenêtre qui nous a été offerte par l'archéologie préventive, on l'a élargie par un large programme de recherche sur toute la grotte. Quand on prend goût, on continue. Et là, on continue à l'échelle de toute la grotte avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires. Et on approfondit cette étude de l'aurignacien, notamment, mais surtout de l'aurignacien, parce que c'est un élément qui est quand même assez novateur dans l'occupation de la grotte. Cette arrivée de l'homme moderne, ce que l'on appelle donc la culture aurignacienne, elle se matérialise comment dans cette grotte du Madasil ? Allez, quelques silex ? Ah, quelques silex, bien sûr, quelques beaux outils. Ces outils, on peut, par l'analyse des silex dans lesquels ils sont fabriqués, déterminer un espace, on va dire, d'influence, de contact, de relation, de réseau de ces hommes. Et il s'étend, en l'occurrence, ici, jusqu'au fin fond du Poitou. On a aussi beaucoup de restes phoniques. Alors, malheureusement, à cette période-là, ils ont l'habitude de pas mal concasser, briser, brûler, ce qui fait qu'on se retrouve avec peu de restes déterminables, mais ceux qui sont déterminables démontrent que nos premiers occupants de cette partie-là de l'Europe ont surtout exploité du cheval, du renne, on a des restes de loups aussi, et bien sûr beaucoup d'os brûlés, des charbons. François Bon, l'arrivée de l'homme moderne, c'est le cœur de votre sujet. Disons que ce qui m'intéresse le plus, c'est les sociétés qui accompagnent cet homme et dans quelle mesure elles se sont développées et ont transformé effectivement certaines façons de penser et de vivre, bien sûr, oui. Donc c'est l'arrivée de l'homme moderne, mais avec aussi une nouvelle technologie. Alors c'est certainement un peu simple en fait de parler d'une arrivée comme si on voyait un front migrant. L'aurignacien en réalité, c'est un phénomène qui est extrêmement ample dans l'espace, qu'on a à l'échelle de toute l'Europe et même au-delà de l'Europe, qui prend des formes un peu différentes selon les régions. Et c'est très compliqué d'analyser en détail le processus dans lequel cette culture, on va même parler de civilisation, s'est mise en œuvre. Il est vrai néanmoins qu'entre les millénaires précédents, qu'on appelle ceux du paléolithique moyen du Moustérien, et ceux qui correspondent à l'aurignacien, les sociétés humaines ont connu des changements très profonds. De ce point de vue-là, même si ce n'est qu'une province parmi beaucoup d'autres pour les aurignaciens, le sud de la France est effectivement une province importante. Et il y a longtemps qu'on sait que l'aurignacien a beaucoup apprécié les piémonts pyrénéens, à telle enseigne d'ailleurs que le mot aurignacien vient du village d'Aurignac qui n'est pas très loin d'ici. Mais en revanche, pour différentes raisons, on connaît mal cette culture sous certains aspects. Je veux dire par là que l'aurignacien, il s'est épanoui avant le dernier pléniglaciaire. Et il est certain que les cycles climatiques du dernier pléniglaciaire ont fait beaucoup souffrir les données archéologiques parce qu'il y a des sites qui ont été détruits, érodés, totalement annihilés par des phénomènes géologiques. Et partant de là, on connaissait surtout l'aurignacien sous la forme de petites grottes au pied des Pyrénées, plutôt perchées dans les corniches calcaires. Mais on connaissait mal en fait quelles pouvaient être leurs installations dans de grandes grottes, de fonds de vallée, ayant pu peut-être accueillir des groupes plus nombreux et pouvant correspondre peut-être à des vocations économiques, voire sociales, de réunions par exemple de groupes, en comparaison de ce qu'on essaie jusqu'à présent. C'est pour ça que la petite fenêtre qui est la nôtre ici, même si pour l'instant elle est modeste, elle nous ouvre, je dirais, des perspectives de compréhension d'un type de site aurignacien qui a certainement vocation à renouveler pas mal nos perspectives sur le sujet. D'où l'intérêt d'approfondir la question de l'aurignacien ici. Comprendre cette société dans son espace, c'est ça à peu près le cœur du sujet ? Exactement. Comprendre cette société, ça passe par voir un peu comment elle s'organise, par exemple territorialement. On sait que ce sont des chasseurs-cueilleurs nomades. Est-ce que l'ensemble du groupe, par exemple, se déplace ? Ou est-ce qu'on a au contraire des complémentarités fonctionnelles de site ? Est-ce qu'il y a par exemple un camp résidentiel et des camps satellites où une partie seulement du groupe se rend ? Ça nous dit des choses de l'organisation de l'espace et donc de l'organisation de la société dans cet espace. Et c'est pour ça que trouver un nouveau type de site est en mesure de renouveler notre perspective sur ces sociétés. En conclusion, on peut dire peut-être que de grandes grottes extrêmement célèbres ont encore un très très fort potentiel malgré des centaines d'années de fouilles. Oui, je pense que c'est le cas de beaucoup de grottes comme ça qui méritent d'être revisitées. Non seulement revisitées physiquement, c'est-à-dire revenir voir ce qu'il reste, parce qu'il y a des choses qui restent, et puis la recherche, les méthodes de recherche ont tellement évolué que les petits éléments maintenant nous enseignent beaucoup, mais en plus il faut aussi qu'on revienne sur les archives. Et ici les archives nous renseignent sur comment la grotte a été exploitée depuis 150 ans, c'est-à-dire à quoi elle ressemblait avant les grands travaux. Donc non, c'est pas fini, et je crois que des grottes comme celle du Mazazil, il y en a encore plein qui méritent d'être exploitées avec un regard neuf. Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie, visites de la grotte, conférences et inaugurations d'expositions au musée de préhistoire sont prévues de vendredi à dimanche prochain au Mazazil. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à la fin tragique, l'effondrement du monde Inca. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Thibaut Germèze, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, où retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.